franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, retour sur le choc pétrolier de 1973, le premier de notre histoire. Un événement inédit qui sera aussi le point de départ d'un profond bouleversement mondial, à la fois économique, politique, sociétal et écologique. Choc pétrolier. En octobre 73, lorsque cette expression devient réalité, elle s'apparente à un coup de force diplomatique. En pleine guerre de Kippour, qui oppose Israël à l'Égypte et à la Syrie, les pays arabes producteurs de pétrole font de l'or noir une arme. Pour briser le soutien des États-Unis aux forces armées israéliennes, ils annoncent un rationnement de leur production, une hausse brutale des prix et optent finalement pour un embargo partiel. Et là, la peur change de camp. Les pays arabes prennent conscience de leur puissance financière, l'Occident retient son souffle. La crise politique devient alors une crise économique. Totalement dépendantes du pétrole, les économies occidentales sont touchées de plein fouet. La facture énergétique est multipliée par 4, les entreprises sont contraintes d'avoir recours au chômage technique, le coût de la vie explose, les États s'endettent. Avec le choc pétrolier de 73, c'est tout le modèle économique des années d'après-guerre qui s'effrite. En France également, les années de croissance sont bel et bien terminées. La nostalgie des Trente Glorieuses s'empare d'un pays qui, au passage, prend conscience des périls écologiques qui le guettent. Et une autre mondialisation se dessine, celle que l'on connaît aujourd'hui. Pour en parler après le récit, nous recevrons le journaliste Mathieu Ozano. En 2015, il a publié aux éditions La Découverte une passionnante histoire du pétrole intitulée « Or noir ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Opinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Valérie Priollet, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Théo Gomard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 7 mars 1956, Texas, États-Unis. Aujourd'hui, au Plaza Hotel de San Antonio, s'ouvre une importante conférence pour l'industrie pétrolière américaine. Pendant 3 jours, les membres de l'American Petroleum Institute, organisme de lobbying regroupant les industriels américains du gaz et du pétrole, doivent disserter sur l'avenir de l'or noir. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi de se retrouver là, au Texas. État pionnier de l'industrie, c'est ici que se trouvent les plus importantes réserves énergétiques connues aux États-Unis. Le long du golfe du Mexique, de Houston à Brownsville, s'étend une épaisse forêt de tuyauteries, pipelines, cheminées, cuves de stockage de toute taille et de toute forme. Au pays de l'oncle Sam, l'or noir coule à flot, les pétroliers texans sont les rois. Le premier à prendre la parole s'appelle Marion King Hubert. Cheveux coupés en brosse, visage émacié, petites lunettes, c'est un géologue réputé de la branche américaine de la compagnie Shell. Depuis des mois, il prépare sa présentation, chiffres à l'appui, graphiques et schémas prévisionnels. Mais quelques minutes avant d'entrer en scène, on le demande au téléphone. À l'autre bout du fil, son supérieur, à New York, qui tente de le convaincre une dernière fois de changer les conclusions de son discours, oui, trop alarmiste, voire ridicule. Non, vraiment, il faut tempérer tout ça. Marion King Hubert écoute et raccroche, poliment. Mais une fois à la tribune, il ne change pas un mot de son discours. Son analyse est mathématique, d'une logique imparable. Le pétrole est une ressource énergétique non renouvelable et donc épuisable. Son extraction commence aux États-Unis au milieu du 19e siècle et n'a jamais cessé de croître. Mais pour combien de temps ? Marion King Hubert l'annonce sans détour. Aux alentours des années 70, la production de pétrole brut américain aura atteint son maximum, le point culminant de son existence. Après, c'est inéluctable, la production ne fera que chuter pour finalement s'éteindre. Et ce sera la fin du pétrole américain et à terme celui du pétrole tout court. Il termine par ces mots, l'extraction du pétrole par l'homme est un événement unique dans l'histoire humaine, un événement unique dans l'histoire biologique, mais une étincelle à l'échelle du temps. Silence dans l'assistance. Au sein de l'industrie, le pronostic de Marion King Hubert est accueilli par des sarcasmes incrédules. Les majors pétrolières américaines ne veulent pas y croire. Car si la démonstration du géologue semble aujourd'hui logique, l'époque n'est pas au pessimisme. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au contraire, c'est le temps de l'abondance, de la croissance et du plein emploi. Le pétrole est la clé de ce renouveau de l'Occident, le nerf de son économie. Aux États-Unis, premier producteur et premier consommateur au monde, le mythe de l'American Way of Life se décline en centaines de produits dérivés. Essence, super, avion, caoutchouc synthétique, banylon, disque vinyle, tupperware et autres briques jetables. Ce sont les débuts de la consommation de masse, ceux aussi d'une croyance tenace, pétrole et croissance sont désormais inséparables. Alors non, vraiment, en ce 7 mars 56, à la conférence de San Antonio au Texas, l'heure n'est pas au scénario catastrophe. La planète pétrole se porte à merveille, les mauvais présages de Marion King Hubert sont remis au placard, à bas les Cassandres. Les années passent, et la production de pétrole brut américain ne cesse de croître, tout comme la consommation mondiale, bref, tout va bien. Et pourtant, 14 ans plus tard, au mois de novembre 70, la production de pétrole brut atteint son dernier record historique. De l'Oklahoma à la Louisiane, du Texas au Colorado, les compagnies pompent, raffinent et distribuent leur noir, pied au plancher, 10 millions de barils extraits en moyenne par jour, du jamais vu. À partir de cette date, le déclin annoncé s'amorce, inexorable. Alors que le grand public n'en sait rien, les réserves américaines sont désormais à moitié vides. Marion King Hubert disait donc vrai. Ce pic de production de 1970 est un instant pivot dans l'histoire du pétrole. Désormais, les États-Unis vont devoir importer pour répondre à la demande toujours plus forte des consommateurs. Et ils sont obligés de se tourner de plus en plus vers les pays de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, là où se trouvent les deux tiers des réserves de la planète. Fondée en 1960, elle regroupe 5 pays. L'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela, rapidement rejoint par d'autres puissances pétrolières comme la Libye et l'Algérie. À l'origine, l'équation est simple. Les compagnies occidentales exploitent le pétrole de leur pays, distribuent des royalties, les émirs s'enrichissent à coups de milliards et l'Occident obtient ce qu'il veut et à bon prix. Oui, mais en 1970, tout bascule. Avec l'essoufflement de la production américaine, le rapport de force s'inverse. Les pays de l'OPEP, et l'Arabie Saoudite en particulier, passent en position de force. Et les règles du jeu changent. Ces pays ont désormais la possibilité d'imposer leur prix. C'est chose faite en février 1971. C'est dans cette salle, au ministère des Finances à Téhéran, que se tiendra dans quelques heures la réunion extraordinaire des 10 membres de l'OPEP, c'est-à-dire l'organisation des pays producteurs de pétrole. L'organisation, qui était à ses débuts ignorée par les grandes compagnies, s'est peu à peu fait reconnaître comme étant un interlocuteur valable. Deux hypothèses peuvent donc être envisagées. Dans le premier cas, un accord intervient avant la réunion de l'OPEP. On pense alors que les ministres l'entérineront et examineront le relèvement des prix pétroliers en dehors de la zone du Golfe Persique. Dans le deuxième cas, il y a échec des discussions de Téhéran. Les ministres de l'OPEP auront alors à définir les sanctions à prendre contre les compagnies pétrolières qui pourraient aller jusqu'à l'arrêt des fournitures de pétrole. Ce serait le début d'une crise extrêmement grave, les pays de l'OPEP fournissant 85% du pétrole consommé par l'Europe. Au mois de février 71, les pays membres de l'OPEP et les représentants des grandes compagnies pétrolières se retrouvent dans la capitale iranienne, Téhéran. Un face-à-face tendu s'engage. Les pays producteurs savent désormais qu'ils ont la croissance économique du monde occidental entre leurs mains. Pour certains, l'heure de la revanche a sonné. Mené par l'audacieux Muammar Kadhafi, arrivé au pouvoir en Libye 2 ans auparavant, ils estiment qu'ils sont depuis bien trop longtemps méprisés, trompés, spoliés. À l'instar de l'Algérie ou du Venezuela, ils réclament alors une nationalisation totale de leur production de pétrole brut. Face à cette position dure, d'autres pays préfèrent jouer la carte de la diplomatie. Sous l'égide du ministre saoudien du pétrole, l'affable et prudent Sheikh Yamani, il plaide pour une augmentation progressive du prix du baril de pétrole. Un compromis est finalement trouvé. Le 14 février 71, l'accord signé à Téhéran impose aux pétroliers occidentaux une augmentation immédiate de 30 cents. Le baril d'Arabian Light vaudra désormais 2,15 $ et son prix devra être révisé tous les ans. Si cette augmentation paraît relativement modeste, elle entérine de façon définitive l'inversion du rapport de force en faveur de l'OPEP. Après les accords de Téhéran, les négociations entre les princes arabes du pétrole et les grandes compagnies occidentales s'enchaînent. Et la boîte de Pandore est ouverte. Jusqu'où iront-elles? Le prix du pétrole augmentera-t-il indéfiniment? Aux États-Unis et en Europe, l'inquiétude grandit. Cette hausse des prix impacte directement leur économie, à commencer par le prix de l'essence pour le particulier, mais surtout pour les industriels. Comme évoqué ici, lors de la conférence de Genève, le 11 janvier 1972. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le prix du carburant augmentera-t-il au cours des trois prochains mois? On peut se poser la question ce soir, car depuis hier à Genève, les représentants des pays exportateurs de pétrole se trouvent d'un nouveau face à face avec ceux des compagnies pétrolières. Et les exportateurs réclament une augmentation de 12% du prix du pétrole pour compenser, disent-ils, la récente dévaluation du dollar. Les pays occidentaux ont proposé une solution dans laquelle les prix du pétrole seraient indexés en fonction du prix des marchandises que ces pays occidentaux vendent aux pays arabes. Et finalement, ce soir, on apprenait que les pays exportateurs refusaient cette solution de compromis. Et c'est relativement grave, car tous les observateurs, tous les spécialistes pensaient qu'on s'entendrait plus facilement sur le problème du prix que sur l'autre problème que l'OPEP doit encore observer la semaine prochaine, ou sur lequel l'OPEP doit travailler la semaine prochaine, qui est celui de la participation des pays arabes dans l'exploitation des puits de pétrole. Et ce soir, on est relativement inquiet dans les compagnies pétrolières. Aux États-Unis, face à cette crise inédite, le président Richard Nixon change de stratégie et définit une nouvelle politique énergétique. Un an plus tard, le 17 avril 1973, lors de son discours au Congrès, il énonce deux objectifs. Le premier, à court terme, est d'augmenter les importations de pétrole arabe. Il décide donc d'abolir le système de quotas qui existait jusqu'à présent pour prévenir l'éventualité d'une pénurie. Son deuxième objectif, à long terme, est plus ambitieux. Il souhaite lancer un important programme d'indépendance énergétique, donc accélération de la prospection du pétrole maritime, l'offshore, du gaz naturel ou gaz de schiste, construction de centrales nucléaires et même, dans certains cas, retour au charbon. Enfin, le président américain s'adresse à ses concitoyens, partout, chaque fois que c'est possible, économiser l'énergie. Quelques jours après ce discours au Congrès, lors de la conférence annuelle de l'American Petroleum Institute, le secrétaire au commerce de Nixon résume plus simplement la situation avec cette formule « Popeye est à court d'épinards, bon marché ». Quelques mois plus tard, durant l'été 1973, la menace tant redoutée de la pénurie devient une réalité dans plusieurs États américains. Le prix à la pompe augmente, les stations-service rationnent quand elles ne ferment pas. Les Américains découvrent ébahis les premiers écriteaux « Sorry, no gas today ». Rude affront dans ce pays de la voiture reine, difficile à croire pour certains. En septembre 1973, face aux caméras de l'ORTF, des Américains font part de leur méfiance, car pour eux, il s'agit d'une crise artificiellement provoquée. Je ne crois pas que ce soit réel. Je crois qu'ils essayent de faire monter les prix, c'est tout. C'est le capitalisme en action, l'offre et la demande. Les grandes raffineries de Californie ont des millions de barils de pétrole en réserve qu'elles ne mettent pas sur le marché. Je ne crois pas qu'il y ait encore pénurie. Ça viendra parce qu'on gâche tout ce qu'on a, mais on n'est pas encore là. Comme elles disent, les compagnies veulent réajuster leurs prix. Est-ce qu'il n'y a pas un gros gâchis? Non, je ne trouve pas. Moi, je trouve, avec tout ce pétrole qu'on balance dans la mer et qui tue les poissons, et tu ne trouves pas que c'est du gâchis, toi? Moins d'un mois plus tard, au Moyen-Orient, la situation change de dimension. Le quatrième conflit israélo-arabe éclate, c'est la guerre de Kippour, qui sera aussi celle de l'or noir. Les cartes de la planète pétrole sont redistribuées. Vous écoutez France Inter, il est 20h. Interactualité, Jean-Jacques Moria. Des blindés en marche, des avions en chasse, des troupes en action, des alertes qui retentissent à Tel Aviv, l'état d'urgence décrété en Syrie, tous les aéroports de la région fermés, c'est depuis 7 heures le visage du Proche-Orient. En tout cas, ce soir, les forces égyptiennes ont franchi le canal de Suez en plusieurs points, des têtes de pont ont été installées sur la rive orientale et le drapeau égyptien flotte de l'autre côté. Même chose sur les hauteurs du Golan, où les troupes syriennes ont réoccupé le mont Hermon, tenu depuis la guerre des Six Jours par Israël. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie déclenchent une offensive surprise contre l'État d'Israël. Il est 14h lorsque les troupes armées arabes envahissent simultanément les régions du Sinaï et du Golan, territoires sous contrôle israélien depuis 1967 à l'issue de la guerre des six jours. C'est un coup de théâtre qui prend l'armée israélienne au dépourvu. En supériorité numérique, ravitaillés militairement par l'Union soviétique, les pays agresseurs progressent rapidement à l'intérieur des terres. Au sein des états-majors, on pense alors que la victoire est imminente. Deux jours plus tard, le 8 octobre 73, à plus de 2500 km des combats, les membres de l'OPEP et les compagnies pétrolières occidentales se retrouvent à Vienne, en Autriche. La réunion était prévue de longue date, bien avant le début de la guerre. L'objet de la rencontre, la contestation des accords de Téhéran signés un an et demi auparavant. La revalorisation annuelle des prix qui leur a été accordée n'est plus suffisante. Alors l'OPEP, qui a gagné en assurance, demande un doublement des prix actuels, faisant passer le baril à 5 dollars. Trop pour les majors occidentales qui refusent. Elles n'iront pas au-delà des 3,70 $. Le bras de fer commence avec en toile de fond la guerre du Kippour. Sur le terrain militaire, alors qu'on les croyait perdus, des Israéliens reprennent peu à peu l'avantage sur les forces armées du président égyptien Anwar el-Sadat et de son homologue syrien Hafez al-Assad. Une semaine après le début de l'offensive, le 13 octobre, Washington apporte son soutien. Il met en place un pont aérien avec Israël et chaque jour, près de 1000 tonnes d'équipements militaires sont acheminées deux fois plus vite que l'Union soviétique pour ses protégés arabes. Deux jours plus tard, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1973, la percée de l'armée israélienne au-delà du canal de Suez fait définitivement basculer le sort de la guerre. Les gouvernements arabes le savent, sur le terrain militaire, la bataille est perdue. Ils n'ont alors plus qu'une carte dans leur jeu, celle du pétrole. Grâce à elle, ils peuvent faire pression économiquement sur les États-Unis et donc, par ricochet, sur Israël. Mais vont-ils l'utiliser ? Le 16 octobre, les 6 pays exportateurs du Golfe se réunissent en urgence à Kuwait City. Les pays arabes ont précisé cette nuit leur nouvelle stratégie. Le pétrole y occupe la première place. Certes, chacun attend avec anxiété de savoir si, oui ou non, l'arme du pétrole sera utilisée dans le conflit du Proche-Orient, mais quelle que soit la décision, l'histoire retiendra sans doute la conférence qui s'est tenue la nuit dernière au Koweït. Désormais, et c'est fondamental, les producteurs fixeront seuls le prix de leur pétrole. Les 6 pays du Golfe Persique ont décidé d'augmenter de 40% les prix à la production. Une page est donc tournée. La stratégie des producteurs semble claire. Les pays arabes veulent être les véritables maîtres du jeu sur l'échiquier pétrolier international. Voilà donc la première décision de l'OPEP. Le prix du baril sera désormais de 5,12 $, non négociable. Le lendemain, les discussions se poursuivent, mais les avis divergent au sein de l'OPEP. Les bassistes irakiens proches de l'URSS réclament carrément la nationalisation de tous les capitaux pétroliers américains au Moyen-Orient. Le Shah d'Iran, fidèle allié de Washington et plutôt indifférent à la cause palestinienne, tente un discours plus modéré. Tout comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, dont le développement économique dépend aussi des royalties américaines. Après une journée d'âpres discussions, la nouvelle tombe à la stupéfaction générale. D'ailleurs, à l'instant, une dépêche nous apprend la décision des producteurs arabes de pétrole. Ils annoncent qu'ils réduisent, mais je ne sais pas si la dépêche ne se trompe pas, on nous dit de 5% les livraisons aux États-Unis et aux autres pays industrialisés soutenant Israël, et la mesure prend effet immédiatement. La décision est bel et bien confirmée et même précisée. Les ministres arabes décident conjointement de réduire leur production de pétrole de 5% tous les mois jusqu'à ce que les Israéliens se soient complètement retirés des territoires occupés et que les droits légaux du peuple palestinien aient été restaurés, je cite mot pour mot. 4 jours plus tard, le 21 octobre 73, ils enfoncent le clou. L'OPEP annonce un embargo pétrolier à l'encontre des États-Unis et des Pays-Bas, ennemis de la cause palestinienne selon eux. 3 jours plus tard, les combats s'arrêtent. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote un cessez-le-feu accepté par tous les belligérants. La guerre du Kippour est terminée, mais celle du pétrole se poursuit. Philippe Simonneau, envoyé spécial pour le journal Le Monde, relate ainsi cette journée historique. Ce 17 octobre 1973, une poignée d'hommes dont la moitié était vêtue de djellaba se sont enfermés dans la minuscule salle de conférence de l'OPEP pendant plusieurs heures. À aucun moment, un observateur non averti n'aurait pu soupçonner l'importance de la partie qui se jouait. Ces décisions prises à Kuwait City, hausse brutale du prix du pétrole, rationnement et embargo, provoquent ce qu'on appelle le choc pétrolier, le premier. Le monde s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Quelles en seront les conséquences ? Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, no, baby, no, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and all the run. Ooh. Ooh. I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Sure don't want to hurt no one. Alors qu'aux États-Unis, le président Nixon prononcera ce soir un discours consacré à la crise du pétrole, la pénurie s'installe peu à peu dans la communauté européenne. Après les Pays-Bas, la Belgique, touchée par la paralysie de Rotterdam, vient de prendre des mesures draconiennes. Stock de carburant réquisitionné, vitesse limitée à 80 à l'heure sur les routes et 100 à l'heure sur les autoroutes, un jour de congé supplémentaire pour les écoliers afin d'économiser le fuel, annulation du tour de Belgique automobile, réduction des vols de la compagnie aérienne Sabena. Au Danemark, la circulation est limitée à 80 à l'heure sur les routes et la population est invitée à renoncer aux illuminations lors des fêtes de Noël. En France, enfin, l'approvisionnement semble toujours assuré, mais des mesures de précaution ont été décidées. Pour donner l'exemple, le chauffage a été baissé de 10% au Palais Bourbon. Et pour contribuer à l'effort national d'économie de carburant, il n'y aura ni blindés ni motorisés au traditionnel défilé du 11 novembre. Un mois avant ces restrictions énergétiques, le 17 octobre 1973, les pays de l'OPEP redéfinissent les règles du jeu de la planète pétrole. Ce jour-là, en effet, ils décident unilatéralement l'augmentation du prix des barils, la diminution de la production et l'embargo à l'encontre des États-Unis. Si cette dernière mesure est quasiment indolore outre-Atlantique, l'Europe est la première victime du choc pétrolier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à cette époque, les Américains ne sont pas encore dépendants du pétrole arabe. Ils importent seulement 10% de leurs besoins. À l'inverse, ce taux dépasse les 60% en Europe occidentale, atteignant même 75% en France, 85% en Italie. Alors, les gouvernements s'organisent avec pour seul mot d'ordre économiser l'énergie. Dans la presse et dans l'opinion européenne, les réactions sont vives, l'incompréhension palpable. Mais enfin, pourquoi devraient-ils subir les conséquences de ce conflit lointain ? D'ailleurs, aucun de leurs gouvernements ne s'est engagé militairement en faveur d'un camp ou d'un autre. Alors, si cet embargo a pour but de faire pression sur les États-Unis et donc sur Israël, est-il nécessaire pour cela que les Hollandais roulent à bicyclette, que les Italiens marchent à pied et que les Français baissent le chauffage ? Pourquoi l'Europe devrait-elle payer ? Ce 26 novembre 1973, c'est précisément la question que pose un journaliste d'Antenne 2 au président de l'OPEP, le ministre algérien de l'Industrie, Belaïd Abdesalam. En réalité, ce qu'il faudrait, ce n'est pas pourquoi l'Europe, mais l'Europe, pourquoi le monde occidental ? Eh bien, pourquoi le monde occidental ? C'est parce que Israël apparaît aujourd'hui dans le monde arabe comme une création du monde occidental. Plus précisément, comme une sorte de fait qui prolonge la période coloniale dans le pays arabe. C'est le monde occidental qui est à l'origine du lancement du foyer national juif en Palestine et qui, à travers les péripéties de l'histoire, s'est développé pour se transformer en un État créé sur le sol arabe et au détriment d'un peuple arabe. C'est également le monde occidental qui est à l'origine de toutes les aides et de tous les appuis qui ont été donnés à cet État, d'abord pour s'imposer, pour s'installer, et ensuite pour se livrer à une série d'actions que nous considérons comme des actions agressives et qui portent atteinte à la vie et à l'existence même d'autres pays arabes. Le 22 décembre 1973, deux mois après l'annonce officielle de l'embargo pétrolier, les pays membres de l'OPEP se réunissent à nouveau à Téhéran. Faut-il poursuivre ce bras de fer avec l'Occident ? La question se déplace du terrain politique au terrain économique. Mais une fois encore, les avis divergent entre les radicaux comme l'Irak ou la Syrie et les modérés comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais contre toute attente, c'est justement le Shah d'Iran qui jette de l'huile sur le feu. L'ancien allié de Washington réclame un baril à 14 dollars. Sous la menace d'une dissolution de l'OPEP, l'Arabie Saoudite est contrainte d'accepter. Le 23 décembre 1973, le prix du baril du Golfe Persique atteint un niveau spectaculaire, jamais atteint, 11,65 $. Il n'était même pas à 5 euros avant la crise. Du jour au lendemain, le cours de l'or noir vient de doubler. Dans la presse américaine, ce coup de force est rebaptisé le massacre de la veillée de Noël. Mais pourquoi le Shah d'Iran se montre-t-il soudain plus royaliste que le roi, si j'ose dire ? Pour les diplomates et les pétroliers américains, complètement abasourdis par la nouvelle, la raison est simple. L'argent, toujours l'argent. Pour le Shah, l'argument est certes économique, mais aussi politique. Il se montre de plus en plus véhément à l'égard de l'Occident et il déclare « Le monde occidental va devoir se rendre compte que l'ère de ses progrès sensationnels fondés sur un pétrole bon marché est terminée. » L'avenir lui donnera raison. En Europe, ce nouveau doublement du prix du pétrole est une bombe atomique financière. En un trimestre, la facture énergétique est multipliée par 4. La France, comme les autres, est touchée de plein fouet. Le pétrole importé représente 2/3 de sa consommation énergétique. Si le président Georges Pompidou s'est montré jusqu'à présent rassurant, il doit bien se rendre à l'évidence et le 31 décembre 1973, lors de ses vœux présidentiels à la télé, il déclare « Il faut admettre que l'année se termine dans une atmosphère moins sereine et que les perspectives sont plus sévères. Il y a les réalités. Et d'abord, la hausse des prix, qui a pris un rythme excessif et inquiétant. La hausse considérable du prix du pétrole, notre source d'énergie principale, est un nouveau facteur d'accélération. Par ailleurs, la crise qui s'est instaurée dans le marché mondial du pétrole et ses conséquences, tout cela crée un risque de ralentissement économique ici ou là. Et si cela se produit, aucun pays ne pourra y échapper complètement. Assurément, l'année 1974 risque d'être difficile. Le temps des recommandations prudentes, économie d'énergie et chasse au gaspillage laisse place à celui des restrictions budgétaires. Tous les secteurs industriels dépendants du pétrole sont touchés. Transport, bâtiments, vêtements, emballages et avant tout, bien sûr, le secteur automobile. Durant les fêtes de fin d'année, Peugeot et Renault sont contraintes de fermer plusieurs de leurs usines. Chômage. Les premiers touchés sont les travailleurs immigrés, non qualifiés. Bientôt rejoints par les femmes et les jeunes, ils viennent peu à peu grossir les chiffres du chômage, un phénomène nouveau en France. En un an, le taux passe de 2 à 5%. Parallèlement, le coût de la vie explose et réduit à peau de chagrin le pouvoir d'achat des ménages. C'est un changement sans équivalent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le choc pétrolier de 1973 met ainsi fin à ce qu'on appelait les Trente Glorieuses et à son mythe, celui d'une période heureuse de modernisation et d'abondance, des années faciles de croissance et de plein emploi. En ce début d'année 74, la France entre de plein pied dans une période de crise économique dont elle ne sortira jamais vraiment. Fermeture d'entreprise, chômage, inflation, récession, précarité, exclusion, ça vous rappelle quelque chose ? Après la mort de Georges Pompidou, le 2 avril 1974, le nouveau président Valéry Giscard d'Estaing lance différentes mesures pour booster l'économie. Réduction de dépenses publiques, nouvelles taxes aux entreprises, mise en place d'une politique monétaire restrictive. En vain, la croissance chute, l'inflation s'envole. On parle alors de stagflation, une réalité reprise par tous les pays industrialisés du monde, gangrénée durablement par la dette et par le chômage. Ailleurs, les politiques énergétiques varient en fonction des ressources naturelles. L'Allemagne revient au charbon, tandis que le Royaume-Uni se dirige vers le gaz. Les États-Unis, eux, multiplient l'exploration de nouveaux gisements pétroliers, l'Alaska en tête. Ces recherches, très coûteuses, sont rendues possibles grâce justement au choc pétrolier. Oui, les compagnies pétrolières américaines profitent à plein de cette vertigineuse augmentation du prix de l'or noir. Au premier trimestre 1974, Exxon enregistre des bénéfices records. Elle devient alors la plus importante entreprise du monde. Sur la planète pétrole, rien n'est jamais perdu pour tout le monde. La France, elle, fait le choix d'abandonner le tout pétrole au profit de l'indépendance énergétique. Les politiques jouent désormais à fond la carte du nucléaire, d'où notamment le fameux slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées », l'un des plus connus de ces 50 dernières années. D'autres voix aussi se font entendre, appelant à une crise de conscience, une prise de conscience écologique face à la crise. Enfin, elles essaient de se faire entendre. Elles prônent le développement d'énergies renouvelables, durables, respectueuses de l'environnement, comme la géothermie. C'est l'émergence du mouvement écologiste français qui présente ainsi son premier candidat aux élections à l'élection présidentielle de 1974, un certain René Dumont. Vêtu de son éternel pull rouge, doté d'un sens du spectacle aiguisé, il présente son projet lors d'une conférence de presse le 11 avril 1974. Actuellement, nous développons une civilisation qui gaspille les ressources naturelles non renouvelables de la planète, qui en France détruit chaque année 100 000 hectares de bonnes terres arables pour les transformer par un urbanisme délirant, qui développe la civilisation de l'automobile individuelle, qui nous oblige à des achats démesurés de pétrole, achats que nous ne pouvons faire qu'en vendant des armes, par exemple, l'an prochain. Et nous cherchons un nouveau type de civilisation. Nous estimons les centrales nucléaires comme un danger dont on ne peut pas mesurer toute l'importance, mais qui est, à notre avis, effroyable. Alors, si nous voulons nous passer de centrales nucléaires, si nous voulons réorganiser la vie sur une autre base, il nous faut envisager un type de vie qui exige beaucoup moins d'énergie, un type de vie qui insistera beaucoup plus sur la qualité de la vie, sur le respect de la vie sur toutes ses formes, et surtout sur le respect de la vie des autres, c'est-à-dire le pillage du tiers-monde par lequel nous avons développé notre civilisation actuelle en sous-payant leurs matières premières, doit prendre fin parce qu'il a développé la famine dans le tiers-monde, et cette famine est absolument inacceptable. Au premier tour de la présidentielle, René Dumont n'obtient que 1,32% des voix. Comme en 1956, au temps de Marion King Hubert, nul n'est prophète en son pays. 40 ans après le premier choc pétrolier, les questions de transition énergétique et de développement durable sont plus que jamais au cœur des débats en France et dans le monde. How much a dollar really costs? The question is detrimental, paralyzed in my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all. Gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling big as Mutombo. 20 on pump 6, Dirty Marcellus called me Dumbo. 20 years ago, can't forget. Now I can lend them an ear or two. How to stack these residuals tenfold. The liberal concept that men do. 2006, it didn't hear me. Indigenous African only spoke Zulu. My American tongue was leery. Walked out the gas station, a homeless man with a semi tan complexion asked me for 10 grand. Stressing about dry land, deep water, powder blue skies that crack open. A piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he begged and pleaded. Asked me to feed him twice, I didn't believe it. Told him beat it. Contributed money just for his pipe, I couldn't see it. He said, my son, temptation is one thing that I've defeated. Listen to me, I want a single bill from you. Nothing less, nothing more. I told him I didn't have it, then closed my door. Tell me how much a diamond cost. Staring at me, I grabbed my key. He's staring at me, I started the car, then I tried to leave. But something told me to keep it in park until I could see the reason why he was mad at a stranger. Like I was supposed to save him, like I'm the reason he homeless and asking me for a favor. He's staring at me, his eyes follow me with no laser. He's staring at me, I noticed that his stare is contagious. Cause now I'm staring back at him, feeling some type of disrespect. If I could throw a bat at him, he'd be aiming at his neck. I never understood someone begging for goods, asking for handouts, taking it if they could. And this particular person just had it down back, staring at me for the longest until he finally asked, have you ever opened up Exodus 14? A humble man is all that we ever need. Tell me how much a dollar cost. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le choc pétrolier de 1973. Notre invité Mathieu Ozanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions économiques et écologiques. En 2015, vous avez publié aux éditions La Découverte une passionnante histoire du pétrole, intitulée tout simplement Or Noir. Et vous dirigez actuellement le Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Bien, alors on s'aperçoit quand même, et on va reparler des aspects économiques, géologiques, des ressources, des réserves de pétrole, de la crise, de ses conséquences, mais on a l'impression quand même que ce choc pétrolier, c'est aussi l'œuvre de pays qui, un jour, ont dit « ça suffit ». On a été exploité, maintenant, ça suffit. Quelque chose de très politique, comme une revanche d'un monde contre l'autre. Bah, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est peut-être la plus grande victoire du tiers-mondisme, ouais. Peut-être même une des seules. Le choc de 73, essentiellement, c'est une mi-temps de l'histoire économique mondiale, de l'histoire de la grande expansion qui commence avec la révolution industrielle. C'est une espèce de mi-temps, et en même temps on oublie ou on interprète de manière très imprécise ce qui s'est passé. Grosso modo, c'est ce que vous décrivez un petit peu, on interprète 73 comme un caprice de prince arabe avide. En fait, quand on regarde plus exactement les choses, comme souvent en histoire, c'est plus subtil et c'est plus compliqué. Bien sûr. Alors, allons-y. Peut-être une parenthèse technique, c'est important parce qu'on parle de ressources de pétrole, de réserves de pétrole. Il y a une différence entre les deux. C'est pas exactement la signification. Elle n'est pas la même pour les deux. Non, ce qu'on appelle les réserves pétrolières, ce sont c'est la quantité de pétrole qui est en place que l'on peut économiquement et techniquement exploiter. Mmh. Donc ça dépend de beaucoup de choses, notamment du prix du baril. Les ressources, c'est un terme qui est strictement géologique, c'est la totalité du pétrole qui est présent dans telle ou telle formation géologique. En fait, les réserves, c'est une fraction, c'est quelque chose comme 30% de la totalité du pétrole qui est en place qu'on ne pourra jamais exploiter pour des raisons physiques et techniques. Alors, ce choc pétrolier, ça n'est donc pas qu'un coup de sang des pays producteurs qui, à un moment, disent « bon, on a été spoliés, exploités, maintenant ça suffit, c'est autre chose ». Non, effectivement, c'est comme ça qu'on le comprend, mais vous avez tout à fait bien fait d'introduire la problématique avec le déclin de la production de pétrole américaine. Les États-Unis, comme vous l'avez dit, étaient le grand producteur mondial. C'est même le soubassement de la puissance américaine, ce pétrole très abondant. Et ce phénomène géologique, j'allais dire écologique, de déclin de la production du Texas, de l'Oklahoma, de toutes les grandes zones pétrolifères aux États-Unis, a changé, a réversé en fait des équilibres géostratégiques. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit les États-Unis investir de plus en plus la région du Golfe Persique. Et quelque part, ce qu'il se passe ensuite, la guerre en Irak, la guerre du Golfe, et tous les effets délétères qu'on a vus dans l'investissement militaire outrancier et les armes qu'on va vendre, parce que les princes du Golfe arabo-persique ont les moyens de les acheter à partir de 73, tous ces effets délétères se nouent, à mon sens, à partir du moment où la puissance américaine lui glisse sous les pieds. C'est-à-dire que pour des raisons physiques, bêtement géologiques, plus vite on vide un verre, plus vite il est vide, la production américaine chute et les géostratèges américains, à commencer par Henry Kissinger, se posent énormément de questions. Et du coup, alors c'est un peu un théâtre d'ombre, mais moi aussi, en tant qu'historien, je me pose des questions sur les questions qui se posent à ce moment-là. Mmh. Et la réalité, à mon sens, c'est que finalement, les pétroliers américains, la diplomatie, la géostratégie américaine ne voyait pas d'un si mauvais œil l'augmentation du cours du baril. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'ils avaient besoin d'avoir énormément de capitaux à investir grâce à une augmentation des cours du baril pour développer des nouvelles sources de pétrole plus chères, plus compliquées, si possible à l'ouest du canal de Suez, et on va les avoir. Sitôt après, dès le choc pétrolier, on va commencer dans l'histoire à exploiter les premières formes de pétrole compliquées, chères, avec notamment la mer du Nord. On va forer pour chercher du pétrole. C'est la première fois qu'on va en chercher massivement au large, dans une des mers les plus tempétueuses du monde. Et puis en Alaska, tout au nord du continent américain, là encore dans des conditions extrêmes et donc très voraces en capitaux. Et je raconte dans le bouquin qu'on voit il y a une diplomatie du pétrole extrêmement sophistiquée à Washington, avec des gens qui sont des spécialistes. Et on voit l'un de ces l'homme du pétrole au sein de l'administration, au sein de la diplomatie américaine, se rendre à Téhéran, se rendre à Alger, se rendre dans tous les pays producteurs arabes et perses, à partir de 70-71, c'est-à-dire à partir du moment où la production américaine de pétrole décline, commencer à dire subrepticement que finalement, on ne verrait pas d'un si mauvais œil, étant les grandes compagnies pétrolières, une augmentation du cours du baril. Pour pouvoir financer les premiers pétroles compliqués. Vous êtes en train de nous dire que, finalement, ce choc pétrolier, il a été provoqué par les États-Unis, c'est ça? Alors, c'est une hypothèse que j'essaye d'étayer. Ça reste une hypothèse. Oui. On a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de l'étayer, notamment avant le choc pétrolier, la guerre du Yom Kippour, on voit notamment Wall Street et les grandes banques américaines, qui sont des banques du pétrole, à commencer par la Chase Manhattan, qui est dirigée par un petit-fils de Rockefeller, faire passer dans la presse, dans le Wall Street Journal par exemple, des indications qui disent qu'au niveau où est le baril avant le choc, rien n'est finançable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire les investissements nécessaires pour maintenir la production, et précisément compenser le déclin de la production américaine. Et c'est un indice, mais il y en a d'autres. Plus tard dans l'histoire, vous avez fait allusion au Cheikh Yamani. Le Cheikh Yamani, pour ceux qui se rappellent de cette époque, c'était la pitié de l'OPEP, c'était le ministre saoudien du pétrole, quelqu'un d'extrêmement madré, de maniéré, un grand diplomate, qui, bien des années plus tard, en 98, a donné un interview à un hebdomadaire britannique, dans lequel il a expliqué qu'ils avaient été très surpris par ce que vous avez raconté, ce massacre de la veille de Noël, où c'est le Shah d'Iran, qui n'était pas du tout un allié de la Palestine. On comprend pas pourquoi il est dans la surenchère, lui. Non. On comprend pas, à moins qu'on écoute la petite voix du Cheikh Yamani, 20 ans plus tard. En fait, le Cheikh Yamani est allé voir le Shah d'Iran, pour lui demander, je sais pas comment il s'adressait à lui, peut-être votre excellence, je ne sais pas, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous vous alignez avec les jusqu'au-boutistes parmi les pays arabes, l'Irak, la Syrie? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous mettre les Américains à dos? Et la réponse que le Shah d'Iran aurait faite, dixit, le Cheikh Yamani, c'est, vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai remis de l'huile sur le feu? Demandez à Kissinger. Alors, puisque vous dites ça, on va écouter une archive qui remonte à février 1974. C'était un reportage diffusé sur l'ORTF. Ça devrait vous intéresser. Aux États-Unis, première accusation publique, le trust pétrolier Aramco, particulièrement bien implanté en Arabie Saoudite, se serait entendu avec le roi Faisal pour provoquer une hausse du prix du pétrole saoudien. Entente qui en fait a été rendue inutile peu de temps après, par les augmentations décidées à Koweït à la conférence des pays exportateurs de pétrole. Deuxième scandale, quatre compagnies pétrolières accusées d'avoir retiré du marché d'énormes quantités de fioul domestique pour faire monter les prix. Scandale qui éclate aujourd'hui, mais déjà le 20 janvier dernier, le président Nixon lançait un avertissement aux compagnies pétrolières. Je voudrais souligner ce point, les grandes compagnies pétrolières ne sont pas autorisées à faire des bénéfices excessifs et devront fournir au peuple américain les chiffres exacts de leurs stocks. Alors, qu'en pensez-vous de ce qu'on vient d'entendre? Qui a prédit votre thèse, hein, d'ailleurs. Bah, oui, plus ou moins, enfin bon. Plutôt plus que moins. Il ne faut pas perdre de vue un point essentiel, c'est qu'à cette époque-là, le pétrole arabe, en particulier en Arabie Saoudite, mais également du côté de la Perse, en Iran ou au Koweït, est exploité, ou en Irak, est exploité par des compagnies anglo-saxonnes principalement, américaine en premier chef. Et donc, cette manne, ce quadruplement des prix du baril entre octobre et octobre 73 et début 74, bah, les premiers bénéficiaires, vous l'avez dit, ce sont les grandes compagnies américaines qui ont vu leur chiffre d'affaires par le fait quadruplé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, d'une part, la diplomatie américaine ne pas, et en particulier Kissinger, ne pas reculer une fois que le statu quo de cette augmentation des cours du baril est établi. Kissinger, on l'a oublié, va plaider pour mettre en place un prix plancher du baril, de façon à ce que le baril ne redescende pas. C'est très intéressant. Et ouais. À ce moment-là, on voit les bénéfices et donc les capacités d'investissement des grands pétroliers américains exploser. C'est comme ça qu'effectivement qu'ils vont développer la mer du Nord et l'Alaska pour compenser le déclin de la production américaine. Mais ça va même plus loin que ça. C'est qu'on voit en 74, au printemps 74, les Saoudiens venir à Blair House, venir à Washington, et il y a un accord qui est signé qui permet, en quelque sorte, je dirais de manière un peu triviale, de rebrancher le flot de pétrodollars récupéré par les Saoudiens sur Wall Street. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on voit les pétrodollars s'investir massivement dans l'économie américaine et en devenir un élément structurant très important. Et on a mesuré qu'il y a beaucoup plus d'argent qui revient via ce tuyau branché d'Arabie Saoudite, ce tuyau de pétrodollars sur Wall Street, que d'argent qui est sorti de la poche des automobilistes américains. Beaucoup plus. En fait, les Américains ont gagné beaucoup. La puissance américaine, en tout cas, a gagné beaucoup au sortir du choc pétrolier, mais il y a en même temps un pacte extrêmement délétère qui se met en place à ce moment-là. C'est que c'est la fin de la guerre du Vietnam. Bush père, qui va être président en 90, devient patron de la CIA en 76, et ça coïncide avec le moment où les pétrodollars saoudiens notamment financent les opérations noires de la CIA. Et c'est comme ça qu'Al-Qaïda est né, par exemple. On rappelle que M. Bush, père, comme fils d'ailleurs, forcément, sont les Texans, hein, ça au passage. Bien. Ils sont installés au Texas. Il a été élu en 88, d'ailleurs, je me corrige pas, 90. Alors, bien sûr, il a les conséquences pour tous les autres pays, notamment l'Europe. En France, le gouvernement de Georges Pompidou, via les voix officielles de l'ORTF, cherche à rassurer, coûte que coûte, la population française, comme dans cette allocution que nous allons entendre du Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer. Ça date du 30 novembre 1973. Ce soir, je voudrais simplement vous parler, faire le point avec vous de la situation du pétrole. N'en déplaise aux amateurs de catastrophes, la situation de la France de ce point de vue est bonne comparée à beaucoup d'autres pays. Et nous n'avons pas de raison de le cacher, car nous le devons d'abord à notre propre politique d'approvisionnement pétrolier. Au fait que depuis plus de 40 ans, tous les gouvernements ont imposé des stockages importants et ont veillé à ce que ces stockages soient réalisés. Nous le devons aussi à la prévoyance, de mon gouvernement qui, depuis plusieurs mois, avait pris d'importantes précautions. Il en résulte que le niveau de nos stocks est tel qu'aucune restriction importante ne s'impose. Voilà, donc dormez tranquille, braves gens. On n'a vraiment rien vu venir en Europe. On a fait semblant. Le jeu pétrolier, le jeu géostratégique pétrolier avant 73 est archi-dominé par les anglo-saxons. D'abord par la Grande-Bretagne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puis par les Américains. Les Français avaient un strapontin dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de turpitudes réelles dans lesquelles s'aventurent les pétroliers américains avant 73. Et typiquement, cette diplomatie du pétrole, cette colonne vertébrale en fait de l'histoire économique qui est l'alliance entre les Saoudiens et enfin, les princes arabes en général, mais les Saoudiens en particulier, et les États-Unis se renforcent de manière tragique, je pense, au moment de la guerre de 73. Et dans ce jeu-là, la France joue un jeu similaire, plus crapoteux, plus petit, avec la France-Afrique. La guerre du Biafra, par exemple, peut être interprétée largement comme une guerre du pétrole, voulue par le général de Gaulle et par Foccart. Mais dans le jeu, c'est une arrière-cour un peu. Le golfe de Guinée. Le vrai jeu pétrolier, la vraie partie d'échecs, elle se joue autour du golfe. Et là, l'acteur premier, l'impérium absolu, appartient aux Américains. Alors, toujours un point d'étonnement. On s'aperçoit que les pays producteurs de pétrole, les peuples des pays producteurs de pétrole, n'ont pas bénéficié de cela. Voyons comment ils vivent et quel est leur niveau de vie. Et puis des peuples de l'Europe, par exemple. Il n'y a pas de pétrole en Europe, sauf en Norvège, qui est d'ailleurs un pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, ça dit au passage. Ces peuples-là s'en sont mieux sortis. Est-ce que ça veut dire que finalement la dépendance au pétrole, c'est quelque chose dont on peut sortir et qui n'est pas une dépendance évidente. La preuve, où est-ce que ça veut dire? Simplement que la démocratie, ça reste quand même le modèle de gouvernance sur lequel s'appuie le plus volontiers le développement économique. Je suis assez largement d'accord avec vous. Il y a quand même un contre-exemple, c'est le Venezuela. Oui. Le pétrole, l'abondance pétrolière a souvent été identifiée comme une malédiction pour les peuples locaux. Au moment où Al-Qaïda et le terrorisme salafiste émergent fortement dans les années 90, le niveau de vie global de la Ligue arabe, dans lequel il y a des producteurs pétroliers majeurs, est égal au niveau de vie, le PIB de l'ensemble de la Ligue arabe, c'est le PIB de l'Espagne. Donc cette richesse-là n'est pas partagée. Mais en Venezuela, on a un pays qui est démocratique, où l'un des fondateurs de l'OPEP avait trouvé cette formule en constatant l'effet délétère qu'avait l'argent du pétrole sur les réseaux de corruption, a identifié le pétrole, il a appelé ça, pardon, je vais être à l'excrément du diable, je vais le dire comme ça. Voilà, il y a vraiment l'avidité humaine est décuplée lorsque intervient l'or noir, parce que l'homme n'a pas mis au jour une source de profit aussi abondante. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire est en train de changer. D'ailleurs, les guerres du Golfe et la guerre Iran-Irak sont des guerres du pétrole, on peut le dire comme ça. En tout cas, ce sont des guerres dans lesquelles, pour la guerre Iran-Irak, ça se discute. En tout cas, elle a été permise par le surarmement que complaisamment on leur a fourni grâce au pétrodollar. La guerre du Golfe 1, oui. La guerre du Golfe 2, absolument. On a pratiquement on sait que la guerre de 2003, notre siècle a commencé par une guerre du pétrole en quelque sorte. La guerre de 2003, on sait que c'était pas Al-Qaïda qu'on reprochait à Saddam. Ça n'était pas les armes de destruction massive. Et Dick Cheney, qui était vice-président, était un homme du pétrole. Bush était un homme du pétrole. Et il y a des arrière-pensées. L'idée étant de maintenir l'impérium américain. Il y a deux porte-avions nucléaires américains qui tournent en permanence dans le Golfe Persique. C'est la clé de voûte de l'ordre économique mondial. Merci infiniment Mathieu Zanou pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre du livre que vous avez publié en 2015, l'histoire du pétrole, intitulé tout simplement Or Noir. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le choc pétrolier de 1973 et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le conflit des intermittents du spectacle en 2003.